Leçon 1. Activités 2 et 3, page 34. Piste 22. Tu as un téléphone fixe à la maison ? Oui, l'appareil est dans le salon. Quel est ton numéro ? C'est le 01 84 53 12 01. Bien. Alors je peux t'appeler pour demander des nouvelles ce soir ? Oui, mais le soir de 6h à 9h seulement. Après, papa n'est pas content. D'accord.